La semaine dernière, je vous préparais psychologiquement à l'arrivée de l'automne. C'est maintenant chose faite. Et même si plusieurs disent que cette saison est la pré-saison morte, eh bien pour moi, cela n'a aucun effet de ralentissement, bien au contraire. Mes fournisseurs officieux de matières premières m'ont livré il y a deux jours une pleine cargaison de nouveaux arrivages et de choix. Tous des sujets arrivant directement de l'asile d'Arkham. Et même que certains remuaient toujours. C'est un véritable travail de dingue de tout sélectionner ses nouveaux petits amis. Un travail de dingue avec des fous, fait par un fou. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque, entre fous, il est difficile de déterminer qu'il est le moins. Mais un fou ne sait pas qu'il est fou. Qui sera le plus fou? Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Go. kind of a nightmare that your mind manufactured for him. Thank you. je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation, la dernière du mois de septembre, en ce 27 septembre, l'an de disgrâce 2016. Je suis le Dr. Pain Pendragon, et je vous accompagnerai métalliquement, et ce jusqu'à 21h. Hey, c'est le fun, ça! On vient d'avoir une pause publicitaire, et j'annonce Réanimation à mon émission. Qu'est-ce que t'en penses, Horace? Oui, moi aussi, c'est ce que je crois. On vient d'entendre en ouverture de bloc, en ouverture d'émission, le bloc plutôt, qui était constitué de ceci à l'instant, l'excellente formation australienne Destroyer 666 et une pièce tirée de leur avant-dernier album de 2009, soit Defiance, et la pièce étant I'm Not Deceived. Je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le Destroyer 666. Juste avant, nous avions la défunte formation DERF, bien sûr, qui a remis un terme à ses activités en 2001, et pour cause, le décès de Chuck. Une excellente reprise de DERF pour une pièce de Judas Priest, bien entendu, soit Painkiller. Très bonne reprise, bon cover, si vous préférez. On retrouve sur The Sound of Perseverance de 1998, qui était sous étiquette Nuclear Blast. Juste avant. Nous avions la formation britannique Biomechanical et l'extravagant vocal de John Key, qui dans les faits ce n'est pas son véritable nom. John Key est d'origine grecque et son véritable nom, et si je peux le prononcer, serait Ioannis Koutselinis. Ben, quoi qu'il en soit, John Key a un vocal assez extravagant qui me rappelle par moments un peu celui de Devin Townsend, qui joue sur certaines, je dirais, certaines octaves, certaines fréquences parfois très hautes. La pièce étant The Empires of the World, c'est la pièce titre de cet album de 2005. C'est une formation qui existe toujours, Biomechanical, sous le statut on hold, c'est-à-dire présentement en pause, si on veut. Mais le dernier album paru est de 2008, soit Cannibalized. Il n'y a donc que 3 albums à leur actif. Dur à suivre, je sais pas. Bref, on aura peut-être une suite éventuellement. Ils vont peut-être reprendre un peu d'activité. C'est à suivre. Et on a ouvert avec Pantera, bien entendu, formation américaine que vous aurez probablement tous reconnu. J'ose espérer. Ben, en fait, oui et non, parce que avec la pièce qu'on a entendue, soit Shattered, qui est tirée de Cowboys from Hell, ben, Phil Anselmo a un registre de voix qui n'était pas celui qui a exploité le plus au niveau de son vocal. Bon, ce qu'il faut savoir avec Cowboys from Hell, c'était le 5e album de Pantera, contrairement à plusieurs qui croient que c'était le premier album. Ben, dans les faits, c'était un premier album pour un changement de direction musicale, parce qu'avant, c'était un band qui était plus glam, effectivement, faut le dire. À l'époque où Phil avait des cheveux, bien sûr. Cette pièce-là, Shattered, qui est tirée de Cowboys from Hell, comme je l'ai dit, est parue en 1990 sur Radco. Et selon moi, Phil Anselmo, c'est un des très très bons vocals qu'il y a eu dans le metal, et aujourd'hui peut-être plus dans le southern metal, pour ainsi dire, à tendance très stoner, des fois presque doom, soit down. J'aime beaucoup beaucoup down, j'adore cette formation et j'aime beaucoup la maturité de vocal que Phil Anselmo a pris avec cette formation. Je dis maturité de vocal parce que pour le reste, je suis pas convaincu. Mais quoi qu'il en soit, justement, vous les entendrez dans ce vendredi Rock Classique, parce que ce sera la deuxième partie de notre spécial Les meilleures voix de rock et de métal, mais j'en parlerai plus tard. Donc, c'était la déconfituration de ce premier bloc en début d'émission. Ce soir, deux présentations spéciales. Une spéciale et l'autre qui est une présentation de découverte. Je parle ici de la formation italienne Baphomet's Blood, dont je vous ai parlé brièvement la semaine dernière. Ça va être un peu plus tard dans l'émission. Et comme c'est la dernière édition du mois, c'est l'album marquant. L'album marquant, bien sûr, qui est un segment de l'émission auquel je consacre une face entière d'un album qui m'a marqué métal, bien entendu, au fil des années, depuis que j'en écoute, donc ça joue sur un 40 ans à peu près, là. Bref, cette semaine, l'album marquant s'adressera à Meshuga. Et ça aussi, je vous en parle un peu plus tout à l'heure. Une chronique musicale, pas vraiment cette semaine. Rien vraiment de bon. À bon goût. Par contre, au niveau du cinéma, il y aura quelques petits trucs, effectivement. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec un bloc de... Ben, tu sais, pour faire changement, pour qui va sûrement vous surprendre, un bloc de death metal. Hein? Surprenant, sa réanimation. N'importe quoi. Dans lequel on va entendre, entre autres, la stupéfiante formation, je dirais, stupéfiante, surtout au niveau du vocal, Abnormality, vais-je le dire. Formation Decapitated aussi. Formation que j'ai présentée la semaine dernière dans l'Optimize. Mais tout de suite, allons-y avec un extrait du dernier album de cette formation américaine qui donne dans un death groove metal, Six Feet Under, tiré de Crypt of the Devil, soit The Night Bleeds. Let's fucking go.

is a fifth dimension beyond that which is known to man. On vient d'entendre la formation à l'instant américaine Abnormality et le surprenant vocal de Malika Sundaramurthy, vocal féminin bien sûr, formation qui existe depuis 2005, qui en sont à leur deuxième album, soit Mechanisms of Omniscience, que j'aurais présenté il y a très peu de temps, je dirais peut-être deux semaines. C'est paru sur Metal Blade, la pièce étant Synthetic Pathogenesis. J'ai bien aimé Abnormality. J'ai découvert avec cet album Mechanisms of Omniscience et j'ai été surpris de voir que C'était une fille qui chantait. C'est à s'y méprendre. Et, en fait, pas à s'y méprendre, il n'y a aucune façon de détecter que c'est un vocal féminin, autre que de voir la photo sur la photographie du groupe en entier. Justement, nous avions Décapité Todd, formation polonaise, et la pièce United qui est tirée de l'avant-dernier album Carnivals Forever, qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast, un très bon album à tendance, je dirais, conceptuelle, de longues pièces parfois assez recherchées, je dois dire, aussi. Nous avions la formation danoise Dawn of Demise que j'ai présenté la semaine dernière. J'ai bien aimé aussi la pièce étant Predation, qui est tirée du quatrième album et dernière apparition, soit The Suffering. The Suffering qui est paru en août le 26, donc c'est relativement encore près d'une basse, fait un mois et une journée précisément sur Unique Leader Records. Et nous avons ouvert avec Six Feet Under. Formation américaine qui n'a plus besoin de présentation, je présume. Et la pièce The Night Bleeds, qui est tirée du dernier album de 2015, soit Crypt of the Devil, sur Metal Blade. En fait, ils ont toujours été sur Metal Blade. Et j'aime la tangente que Six Feet Under a pris avec ce... Bon, ils ont toujours été pas mal groove, mais Death Groove comme ils le font aujourd'hui, ça me convient parfaitement. Je vais faire une petite incursion dans le monde du cinéma, comme je le fais à chaque semaine, sauf que cette fois-ci, ça peut être un petit peu moins garni que par d'autres semaines, mais quoi qu'il en soit, j'ai vu des trucs assez intéressants. Un film contre toute attente en ce qui me concerne, qui m'a surpris, agréablement surpris. Pardon. Oh, puis laisse faire. Pour moi, était, à prime abord, possiblement inutile, voire même peut-être, je dirais, insignifiant. Mais qui l'est pas, finalement, c'est The Legend of Tarzan, de David Yates, qui met en vedette Alexander Skarsgård et le très bon Christoph Waltz, qu'on a vraiment bien découvert, entre autres, avec Tarantino. Un film d'aventure, bien sûr, et d'action. Et chose intéressante avec cette légende de Tarzan, c'est que, oui, effectivement, on fait une petite récapitulation de l'enfance de Tarzan qui a été élevé par les grands singes et comment c'est arrivé qu'il a été recueilli par les singes. Mais on n'axe pas vraiment là-dessus. En fait, on voit un Lord Greystoke qui maintenant habite l'Angleterre et est marié avec la fameuse Jane, qui vit une vie de bourgeois d'une certaine façon, et qui se fait demander de retourner dans son Congo d'adoption afin de mettre un certain terme à une espèce de dévastation et de massacre carrément vers les tribus établies là-bas pour être capable de s'approprier, bien sûr, la richesse qui sont les diamants. Et tout ça mené par le roi de Belgique qui avait une belle fortune qu'il a dilapidée en très peu de temps et qui se voit contraint de devoir trouver des fonds assez rapidement pour pouvoir payer ses projets, dont, en fait, l'armée de mercenaires qu'il a pour être capable d'arriver à ses fins. Bref, c'est un film qui est très bien fait au niveau visuel, techniquement parlant. Et je dois dire que Alexander Skarsgård joue un bon Tarzan. Oui, effectivement. Le film est bien. Le film est aussi rempli d'action, mais ça ne touche pas les clichés habituels qu'on peut avoir. C'était bien apporté à l'écran. C'est un bon film, The Legend of Tarzan, et moi, je vous le conseille. Autre truc que j'ai vu côté comédie, c'est Neighbors 2, Bad Neighbors, si vous préférez, qui met en vedette Seth Rogen, je ne sais plus, Zac Efron et Rose Byrne. C'est la suite du premier, et qui raconte l'histoire de ce jeune couple qui sont Mike et Kelly Radner, qui attendent leur deuxième enfant, et dont la maison avait été... la maison voisine immédiate à une confrérie universitaire masculine qui était, ma foi, fort déjantée. J'ai eu plusieurs problèmes avec eux. Et la maison a été... cette association-là a été dissoute. Il y a eu des accusations criminelles contre le président d'association et ainsi de suite. Bref, la maison est tombée, d'une certaine façon, inoccupée pendant un certain temps. Et là, cette fois-ci, c'est une association féminine qui reloue la maison pour, encore universitaire bien sûr, pour le seul et unique but de pouvoir faire des « parties ». Le premier était vraiment très drôle par moment. Le deuxième, il y a d'excellents moments, des moments même parfois hilarants. Par contre, je dois dire que c'est un peu dilué par rapport à son prédécesseur. C'est un peu prévisible aussi, un peu beaucoup. C'est pas le plus drôle des deux, mais ça donne un moment de cinéma qui est relativement agréable et divertissant. Et comme je le dis, je le répète, il y a certaines scènes qui sont vraiment très, très craquantes, très drôles, et vraiment absolument absurdes. Donc, Neighbors 2, c'est un film que, oui, si vous, c'est pas, peut-être pas votre premier choix, mais ça peut être un film qui peut être intéressant à voir si vous savez vraiment pas quoi écouter ou vous avez pas d'inspiration. Ça demande pas d'effort cérébral en passant. Autre film que j'ai vu et qui, par contre, lui, a été, assez original et captivant, c'est Cell ou Cell Phone, si vous voulez, qui est un film d'horreur, de science-fiction, un thriller qui met en vedette John Cusack, Samuel L. Jackson et Isabel Furman. C'est un film de Todd Williams et c'est tiré d'une nouvelle Stephen King. Bon, selon ce que j'ai pu en entendre dire et en lire, c'est assez loin de la nouvelle. C'est pas très fidèle et ça a été boudé par les gens qui avaient lu la nouvelle initialement avant de voir le film. Moi, j'ai pas lu la nouvelle de Stephen King. Je peux même pas vous dire si c'est le titre original, Cell ou quoi que ce soit, ou Cell Phone, je le sais pas. Puis je m'en sac pas mal. Mais quoi qu'il en soit, le film en tant que tel, il est assez bon, merci. C'est un film qui part vraiment en lion et qui ne finit pas en mouton et qui finit avec une fin relativement inattendue, originale. Et tout le long, c'est la quête de la survie, principalement du personnage de Clay Riddle, qui est un dessinateur interprété, un dessinateur de bande dessinée interprété par John Cusack, qui s'allie un compagnon de fortune qui est joué par Samuel L. Jackson, qui est un conducteur de rails de métro. Tout ça, cette survie est due au téléphone cellulaire. Et tous les gens dans un aéroport, alors que lui, Clay Riddle, arrive d'un voyage d'affaires, les gens qui sont tous sur les bornes de recharge de cellulaire sont soudainement attaqués par une fréquence qui les rend absolument dangereusement violent et d'un barbarisme incroyable. Ils s'attaquent tous les uns vers les autres de façon ultra sauvage pour absolument aucune raison. Eux-mêmes ne le savent pas, ils sont plus eux-mêmes du tout. Et peu à peu, le téléphone cellulaire, les utilisateurs de téléphone cellulaire se voient contaminés par cette espèce de forme de zombieisme, si on veut, contrôlé par un réseau central. C'est vraiment, c'est très inattendu, c'est original, c'est bien. Si vous aimez les films à connotation hémoglobine et sanglant, eh bien, vous serez bien servi. Mais en même temps, ce n'est pas uniquement ce qui tient le film, parce que l'histoire autour est fort bonne. Et je dois dire que Cusack et Jackson sont vraiment bien dans ce film. Donc, Cell ou Cell Phone, son préféré. C'est un film de 2016, bien entendu, un film de Todd Williams. Je vous le recommande. Et si vous êtes sage, et c'est surtout si ça me tente, la semaine prochaine, je vous parlerai du troisième volet du film The Purge, qui porte un nom de Election Year, qui est le troisième en titre de cette maintenant série, dont le premier avait été fort intéressant et original, le deuxième un peu moins, et peut-être que je me doute que le troisième va l'être encore moins encore, mais bon, ce sera un des films duquel je vous entretiendrai la semaine prochaine, voilà, j'ai réussi à le dire. Musicalement parlant, on va y aller avec une découverte, je dis une découverte en tant que telle, parce que c'est pas, semble pas être considéré comme étant une nouveauté. Je vous parle de la dernière parution de la formation italienne Baphomet's Blood, qui donne dans un speed trash metal très traditionnel des années 80. Et qui, contrairement à plusieurs qui essaient de faire revivre cette souche du métal, ne le font pas de façon synthétique et quétaine. Non, on a vraiment l'impression d'être back in time, de revenir dans les années 80 pour redécouvrir, comme à l'époque, une nouvelle formation qui donnait dans le speed, dans le trash. In Satan We Trust est le nom de la nouvelle parution, qui se trouve à être finalement leur quatrième album studio complet. Il serait paru le 25 janvier dernier. Donc, ma foi, un 9 ou 10 mois facilement, là. 10 mois, oui, à vrai dire. Ou presque dans quelques jours. J'ai absolument pas vu ça passer. Il faut dire que c'est difficile à se procurer parce que c'est uniquement en vinyle. Il n'y avait que 1000 copies disponibles. Houhou! J'ai réussi. J'ai été agréablement surpris et je considère cet album comme étant une petite révélation du genre qui ramène une espèce de vent de fraîcheur aujourd'hui dans le métal qui, comme je me plais à le dire souvent et que je le répète assez régulièrement, est relativement saturé, doit-on le dire. Baphomet's Blood, qui est un... c'est un quintet qui a bougé un petit peu, mais généralement la base du groupe a demeuré le même. Maintenant, une fille qui est bassiste pour eux. Qui porte un nom de SV Goat Necromancer. Bon, en tant que c'est pas son nom de baptême, du moins j'imagine pas. Avec une autre personne au vocal et la guitare qui porte le nom de Necro Vomit Terror. C'est un peu clown, je dois dire. Et au guitariste, c'est Angel Trozomaranus. Et le batteur est SR Bestial Hammer. Ben, même les noms font 80. À l'époque, on voulait se démarquer, on voulait avoir un petit quelque chose qui était plus gamique, si on veut. Donc, je vous propose d'aller écouter... c'est assez simple, là. Il y a un total de 8 pièces sur l'album. Je vous en ai concocté 3 qui sont, pour un total de quand même de pratiquement 19 minutes, qui sont assez emblématiques de la qualité de cet album. Donc, tout de suite, Baphomet's Blood, et débutons avec la pièce qui porte le titre de Command of the Inverted Cross. Let's go! Open wide the gates of hell and come forth from your blessed abyss. All hail, unholy Father. Make your presence known this night. I swear on this day to be a faithful servant to the Prince Lucifer. Mind, body, and soul to the designs of his Lord Satan. We trample on the cross. Spit upon the book of lies. I'm ready to abandon this mortal existence and deny Jesus Christ, the deceiver of mankind. Stand ready to desecrate these false bodies. Show yourself. Oh,

Juste avant cette pause musicale, on a entendu trois pièces tirées du dernier album de cette surprenante et excellente formation italienne, Baphomet's Blood, tirée de cet album qui porte le titre de In Satan We Trust, qui est paru en 2016, semble-t-il le 25 janvier dernier, donc il y a une dizaine de mois facilement, qui est paru en vinyle exclusivement. Il y a un tirage de 1000 copies. Donc, c'est pas énorme. Et je dois dire que je suis assez heureux d'avoir mis la main là-dessus parce que j'ai beaucoup apprécié cette formation que je ne connaissais malheureusement pas et que je vais m'empresser de découvrir pour les trois albums précédents, si on veut. Cet album, In Satan We Trust, eh bien, c'est assez évident qu'en écoutant l'introduction de la première pièce qu'on a entendue, soit Command of the Inverted Cross, ça se veut assez satanique, merci. On a entendu à l'instant 666, pièce relativement longue de 6 minutes 7 secondes. C'était précédé d'In Satan We Trust, qui est la pièce titre, bien entendu. Et comme je viens de le dire, en ouverture de bloc, Command of the Inverted Cross. Et ce que j'ai particulièrement apprécié de Baphomet's Blood, c'est évidemment les riffs. Aussi, c'est le terme, les riffs de guitare qui sont assez assez entraînants, qui ne sont pas un overspeed, qui ne sont pas en overspeed, devrais-je dire. Mais de la misère, moi. J'ai un petit morceau d'os dans... Bon, voilà. Un vocal qui rappelle effectivement, je dois le dire, comme je l'ai écrit un peu dans ma chronique sur le site de réanimation AD.com, blog, le vocal à l'occasion, certaines intonations nous rappellent celui de Lemmy, quelque peu, peut-être plus à ses débuts, mais aussi beaucoup celui de Jim Little, de la formation Rock Mail, en particulier sur l'album First Visit. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est un album de 1985 qui était fortement influencé par Motorhead aussi. Bref, je dois dire que Baphomet's Blood a un vocal qui n'est pas magistral, mais qui est fort correct, il se moule très très bien à la musique. Pas trop de distorsion non plus, comme vous avez pu le constater sur les guitares. C'est un ensemble qui donne le produit, donc ce n'est pas un instrument qui est plus en vedette qu'un autre. Je pense que c'est vraiment le cas de dire que c'est l'ensemble qui fait le produit. Moi, j'ai beaucoup aimé Baphomet's Blood and Satan We Trust et je me propose certainement d'aller... ils ont l'air assez difficiles à trouver, mais les précédents comme Metal Damnation de 2009, Second Strike de 2008 et le premier Satanic Metal Attack de 2006. Bref, c'est à suivre. J'étais en retard un petit peu dans mes pauses musicales et je m'en excuse. Donc, après cette pause musicale... Pause musicale, qu'est-ce que je raconte? Pause publicitaire! Nous allons aller avec l'album marquant du mois, qui cette fois-ci, la formation suédoise Meshuga. Quatrième album de cette formation, qui porte le nom de Nothing, qui est paru un 18 juillet 2002. Il y en a plus qu'un 18 juillet en 2002, je pense pas. Donc, c'était le 18 juillet 2002. album que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ce n'est pas mon préféré. Mon préféré encore à ce jour est Chaosphere. Mais Nothing est un album qui a ouvert énormément d'horizons au métal très complexe. Et comme le disait mon ami Denis Sasquatch Bart, moi, des groupes que ça me prend une calculatrice et un computer pour les comprendre, ça marche pas. Donc, j'avais compris qu'il aimait pas vraiment ça. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Et cet album-là, Nothing, a amené des dimensions, je dirais, qui ont été assez empruntées par la suite par d'autres formations, ce qui veut dire que c'était assez original. On va écouter 5 pièces de cet album Nothing. On va écouter dans l'ordre Stenga, Rational Gaze, Perpetual Black Second, qui est ma préférée, Close Eye Visual et Glints Collide, qui correspond en fait à la première face, si on veut, de cet album. Tout de suite après cette pause publicitaire. We'll be right back.

Self-control fading out. There's only one emerge. Liquid stone, the illuminators. Corrosion soothing the heart within. Surroundings reaching to touch your skin. Powers is late, death is alive. Eyes are lying limp, glints collide. So we're bleeding down your spine. Sounds of healing crack your bones. Lamentation carving into smiling faces. Surrounded by everyone, still you're all alone. Murmurs and assailants are in a skull. Leaves chasing the fallen their way. No lifetime, only the legs to wait to escape. We're on a steel ice and anxious betray. Infectious made in the wounds within. Surroundings reach the surface of your skin. Progress is static, life has died. Eyes in my lips, glints collide. Juste assez de temps pour vous dire qu'on vient d'entendre la face A de cet album Nothing de Meshuggah, paru en 2002, qui faisait office de ma chronique mensuelle de l'album marquant. On vient d'entendre Glints Collide. C'était précédé de Close Eye Visual, Perpetual Black Second, l'excellente Perpetual Black Second, Rational Gaze en ouverture de bloc et d'album Stanga. Juste assez de temps encore pour vous dire que la semaine prochaine, je vais vous concocter un spécial Steve Tucker. Ex et nouveau Morbid Angel, encore une fois. De vous rappeler que ce vendredi, dès 11h, ici même à Cifou 89.1, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. J'y serai avec mon compère le Rockmaster pour notre deuxième partie de ce spécial Meilleure Voix Rock et Metal. Et aussi de vous inciter à écouter ce vendredi dès 18h30 sur Underground Québec, notre ami DJ Tower of Death et son émission Subversion. Et si vous avez le goût d'aller voir des clowneries et des chroniques qui ont ni queue ni tête, celle de mon ami Sinistro sur lemort.com. Restez assez fou parce que dans quelques minutes, c'est Matière Noire qui prendra les ondes. Et d'ici là, c'est-à-dire jusqu'à la semaine prochaine, évidemment, allez tous vous faire foutre. Ciao!